On pénétrait dans cette tour de métal par une étroite ouverture ménagée sur les parois du cône. Elle se fermait hermétiquement au moyen d'une plaque d'aluminium retenue à l'intérieur par de puissantes vis de pression. Les voyageurs pourraient donc sortir à volonté de leur prison mobile dès qu'ils auraient atteint l'astre des nuits. Mais il ne suffisait pas d'aller, il fallait voir en route. Rien ne fut plus facile. En effet, sous le capitonnage se trouvaient quatre hublots de verre lenticulaires d'une forte épaisseur. Les voyageurs seraient donc capables d'observer, pendant leur parcours, la terre qu'ils abandonnaient, la lune dont ils s'approchaient et les espaces constellés du ciel. Tous les mécanismes, admirablement établis, fonctionnaient avec la plus grande facilité et les ingénieurs ne s'étaient pas montrés moins intelligents dans les aménagements du wagon projectile. Rien ne manquait des choses essentielles à la vie et même au bien-être. Ils n'auraient pas été aussi à leur aise dans le plus confortable wagon des États-Unis. Restait la question de l'air. Rien de plus facile, au moyen du chlorate de potasse et de la potasse caustique. En les combinant, on était certain de rendre à l'air vicié toutes ses qualités vivifiantes. Quelle que fût sa précision scientifique, on ignorait absolument comment des hommes la supporteraient. L'honneur de tenter cette épreuve fut réclamé énergiquement par Maston. Le 12 novembre, à 6h du matin, après avoir expressément recommandé de ne pas ouvrir sa prison avant le 20, à 6h du soir, il se glissa dans le projectile dont la plaque fut hermétiquement fermée. Le 20 novembre, à 6h précises, la plaque fut retirée. Le secrétaire du Gun Club apparut au sommet du cône dans une attitude triomphante. Il avait engraissé.